Le 9 courant a eu lieu au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang, une représentation d'ensemble des sélectionnés du Festival National Artistique des Travailleurs Agricoles jusqu'à la fin du monde suivant la conduite du maréchal, consacrée à la 8e conférence de l'Union des Travailleurs Agricoles de Corée. Y ont assisté les participants à la conférence.